Psaume 97. L'Éternel règne, que la terre s'en égaie, et que plusieurs îles s'en réjouissent. La nuée et l'obscurité sont autour de lui, la justice et le jugement sont la base de son trône. Le feu marche devant lui, et embrasse tout autour ses adversaires. Ses éclairs éclairent le monde habitable, et la terre le voyant en tremble tout étonnée. Les montagnes se fondent comme de la cire, à cause de la présence de l'Éternel, à cause de la présence du Seigneur de toute la terre. Les cieux annoncent sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Que tous ceux qui servent les images, et qui se glorifient aux idoles, soient confus. Vous, Dieu, prosternez-vous tous devant lui. Sion l'a entendu, et s'en est réjoui, et les filles de Juda se sont égayées pour l'amour de tes jugements, ô Éternel. Car tu es l'Éternel, ô t'es élevé sur toute la terre, tu es fort élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, car il garde les âmes de ses bien-aimés, et les délivre de la main des méchants. La lumière est faite pour le juste, et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez la mémoire de sa sainteté.